Chapitre 3e. Comme j'espérais, grâce à mon imprudente exclamation, avoir décidé le pauvre Théobald à tirer un profit plus pratique de ses connaissances acquises et de son goût cultivé, je ne m'étonnais pas qu'il ne donnât plus signe de vie. Au bout de 4 ou 5 jours, voyant qu'il ne m'écrivait pas et qu'il ne se montrait ni chez moi ni dans les endroits qu'il fréquentait d'habitude, je commençai à me demander si, au lieu de réveiller son talent par une secousse salutaire, je ne l'avais pas tout simplement paralysé. Était-il malade? Cette pensée me tourmenta d'autant plus que je me serais accusé d'être la cause de sa maladie. Mon séjour à Florence touchait à sa fin, et je tenais à me renseigner avant mon départ. Théobald ne m'ayant jamais donné son adresse, je ne savais où le trouver. Mais rien ne m'empêchait d'aller aux informations chez la brodeuse du Mercato Vecchio. J'avoue d'ailleurs que ma curiosité non satisfaite m'inspirait le désir de revoir à la clarté du jour l'enchanteresse auprès de laquelle 20 années s'écoulaient avec une vitesse si prodigieuse. Peut-être ne lui rendais-je pas justice. Je me dirigeai donc un matin vers sa demeure. Je grimpai les marches d'un escalier interminable, et je m'arrêtai au dernier étage. Bien que la porte d'entrée fût entrebâillée, j'hésitai à me présenter, lorsqu'une petite servante traversa en courant l'étroite antichambre avec un panier où résonnaient des plats vides. Comme la seconde porte restait ouverte, je m'avançai vers le salon où Théobald m'avait introduit. Cette fois, le salon se trouvait transformé en salle à manger. Une nappe couvrait la table, ou du moins un des bouts de la table devant laquelle était assis un monsieur, non, un individu qui se penchait en arrière dans l'attitude béate d'un gastronome repu. Tout près de lui, je vis la maîtresse de la maison. Avant de songer à son propre appétit, elle s'était sans doute occupée de son hôte, car d'une main elle retenait sur ses genoux une assiette de macaronis aux fumées appétissants, et de l'autre, elle levait en l'air un des tubes onctueux de ce plat national. Sur le côté de la table, que ne cachait pas la nappe, étaient rangées une demi-douzaine de statuettes qu'à leur couleur on aurait pu prendre pour des terres cuites. Le commensal de la Serafina brandissait son couteau et paraissait faire l'éloge de ses figurines. En m'apercevant, la plus belle femme de l'Italie laissa tomber le macaroni dans sa bouche et se leva, en poussant un cri de surprise, sinon de mécontentement. Je devinai aussitôt que la signora Serafina avait quelque chose à cacher. En bon diplomate, je feignis de trouver tout naturel le tête-à-tête que je troublais. Je saluai et m'excusai de la déranger à une heure aussi matinale. L'irritation de la dame sembla se calmer. Elle me souhaita la bienvenue et m'offrit un siège. Ce fut d'un air presque gracieux qu'elle me présenta son commensal. « Un autre de mes amis, dit-elle, un artiste aussi. » Son ami s'essuya la moustache et s'inclina jusqu'à terre. Évidemment, je n'avais pas affaire à un sot. Ce monsieur, à n'en pas douter, était l'auteur des statuettes posées sur la table, et son regard perçant devait reconnaître à première vue un étranger qui a de l'argent à dépenser. En dépit de ses moustaches bien cirées, son nez retroussé nuisait à ses prétentions de joli garçon. Il portait un peu de travers une calotte rouge, et je remarquai qu'il était chaussé d'une belle paire de pantoufles brodées. Lorsque Serafina annonça d'un ton plein de dignité que j'étais l'ami de M. Théobald, il se confondit en éloge et affirma que M. Théobald possédait un génie incroyable. Pour ma part, répondis-je, je ne puis en juger, je n'ai rien vu de lui, si ce n'est le bambino accroché là-bas, et qui est certainement un dessin fort remarquable. « C'est un chef-d'œuvre, un vrai corrège !» s'écria mon interlocuteur. « Quel dommage » ajouta-t-il en clignant de l'œil, « que le signor Théobaldo n'ait pas songé à se servir de bons vieux panneaux vermoulus. » Sur ce, la majestueuse Serafina crut devoir protester. « Il est trop homme d'honneur, dit-elle, pour jamais se prêter à une supercherie. Je ne me connais guère en génie ou en peinture, je ne suis qu'une pauvre veuve. » Mais je sais que le signor Théobaldo a le cœur d'un ange et la vertu d'un saint. C'est mon bienfaiteur. J'ai la plus grande estime pour lui, répliquai-je, et c'est pour cela que je m'inquiète de ne l'avoir pas rencontré depuis notre dernière visite. L'avez-vous vu? Serait-il malade? À Dieu ne plaise, s'écria Serafina d'un ton qui ne permettait pas de douter de sa sincérité. Son compagnon laissa échapper un innocent petit juron et lui demanda « Pourquoi n'êtes-vous pas allé le voir ?» Elle hésita un instant, minauda, puis répliqua d'un air de dignité offensé. Il vient chez moi sans donner prise aux mauvaises langues, mais il n'en serait pas de même si j'allais chez lui, bien que l'on puisse presque dire qu'il mène la vie d'un saint. Il a pour vous la plus grande admiration, lui dis-je, et il se serait senti honoré de votre visite. Il a pour moi plus d'admiration que vous n'en avez, répliqua-t-elle d'un ton aigre. Convenez-en. Naturellement, je repoussai l'accusation avec toute l'éloquence dont je suis capable, et ma mystérieuse hôtesse avoua qu'elle m'avait regardé comme un ennemi dès ma première visite, et qu'elle me soupçonnait de lui avoir nui dans l'esprit de Théobald. « Dans ce cas, vous auriez rendu un triste service à ce pauvre homme, » ajouta-t-elle, « je puis vous l'affirmer. » Il vient me voir tous les soirs depuis des années. C'est une amitié de longue date. Personne ne le connaît aussi bien que moi. « Je ne prétends ni le connaître, ni le comprendre, » répliquai-je. « Il reste un mystère pour moi. Cependant, je me suis parfois figuré qu'il est un peu... » Je touchai du doigt mon front et je levai la main en l'air. Séraphina, qui m'avait appris ce geste, feignit à son tour de ne pas le comprendre et se tourna vers son ami comme pour le consulter. Celui-ci se borna à hausser les épaules tout en remplissant son verre. Alors la padrona me dit avec un sourire plein de candeur. « Oui, et c'est pour cela que je l'aime. Le monde n'a aucune pitié pour les simples d'esprit. On se moque d'eux, on les méprise, on les dépouille. Il est trop bon pour vivre sur la terre. Est-ce ma faute s'il s'imagine trouver un petit paradis dans mon humble logis? Il a une étrange idée. Vraiment, j'ose à peine vous en parler. Il se figure que je ressemble à la Sainte Vierge. Dieu me pardonne. Je lui laisse penser ce qu'il veut, puisque cela le rend heureux. Il m'a soutenu lorsque les autres me repoussaient, et je ne suis pas de celles qui oublient un service. Aussi le reçois-je poliment chaque soir, et je lui permets de me regarder de face ou de profil selon sa fantaisie. Pour ce qui est de cela, je puis dire sans vanité que je valais la peine d'être regardé autrefois. J'avoue qu'il n'est pas toujours amusant, le digne homme. Quelquefois, il reste assis pendant une heure entière sans prononcer une parole, ou bien il parle, sans discontinuer, de la nature, de l'art, de la beauté, du devoir, et de 50 autres choses qui sont de l'hébreu pour moi. Je vous prie de croire qu'il ne m'a jamais dit un mot que la plus grande dame n'aurait pu décemment écouter. Peut-être est-il un peu toqué. Moi, je le range au nombre des saints. Séraphina ne racontait pas tout. Elle oubliait certains détails de sa propre biographie. Elle aurait sans doute pu parler de plus d'un service rendu. Mais elle m'en apprenait assez pour que le récit que m'avait fait Théobald me parût très touchant dans sa simplicité extatique. « C'est un bonheur peu commun, » poursuivit-elle, « d'avoir pareil ami. Un ami qui est moins qu'un amoureux et plus qu'un ami. » Je regardais son compagnon, qui, conservant un sourire impénétrable, frisa les bouts de sa moustache et vida son verre. Celui-là était-il plus qu'un ami? « Que voulez-vous ? » reprit Séraphina sans remarquer ma distraction. « Dans ce bas monde, il faut garder ce que le ciel nous envoie. J'ai conservé mon excellent ami pendant 20 ans. » Et j'espère, signor, que vous ne venez pas l'indisposer contre moi. J'affirmais que je n'avais aucun dessein de ce genre, que je venais au contraire, désolé de troubler les habitudes ou les convictions de M. Théobald. Je m'inquiétais seulement de ne plus le voir, et je désirais aller prendre de ses nouvelles. Elle me donna l'adresse du peintre et me fit un tableau fort pathétique des angoisses que lui causait l'absence de son visiteur habituel. C'était surtout la crainte de lui déplaire, qu'il avait empêché de se rendre chez le peintre, car il ne tenait pas à ce qu'elle pénétrât dans son intérieur. « Vous auriez pu envoyer monsieur, » lui dis-je. « Ah !» s'écria le monsieur en question. Il admire la signora Séraphina, mais il ne m'admirerait pas. J'allais me retirer, après avoir promis d'apporter à mon hôtesse des nouvelles de mon ami, lorsque son compagnon, qui s'était levé et avait sans doute prémédité l'attaque, me prit doucement par le bras pour me conduire devant la rangée de statuettes. « Votre conversation, signor, m'a révélé un protecteur des beaux-arts. Permettez-moi d'attirer votre honorable attention sur ces modestes produits de mon talent. Ce sont là mes derniers essais. Ils sortent de l'atelier et n'ont jamais été exposés en public. Je les ai apportés ici afin de les soumettre à cette chère dame, qui est très bon juge, bien qu'elle affirme modestement le contraire. Je suis l'inventeur de ce genre de statuettes. Sujet, style, matériaux, tout est de mon invention. Touchez-les, je vous prie. » Vous pouvez les manier sans crainte. Si fragiles qu'elles semblent, elles ne se cassent pas. Mes diverses créations ont eu un grand succès. Elles sont surtout appréciées par les Américains. Trouvez-moi un plus joli ornement pour la cheminée d'un garçon ou pour le boudoir d'une jolie femme qui aime à rire. Cela n'est pas de l'art classique, évidemment, mais entre nous, l'art classique manque de gaieté. Jusqu'à présent, la caricature, la charge, comme disent les Français, n'a été cultivée que par les dessinateurs et les écrivains dramatiques. Je crois avoir été le premier à l'introduire dans la sculpture. Que dites-vous de mes types? L'idée ne vous paraît-elle pas aussi heureuse que hardie? Chat et singe, singe et chat, toute la nature humaine est là. la nature humaine envisagée au point de vue satirique, bien entendu. Tandis que cet aimable juvénal de la statuaire me débitait son boniment, il avait pris une à une les statuettes, les tenant à l'air, leur administrant des pitchounettes pour prouver leur solidité, les contemplant avec admiration. Chacun de ces groupes se composait d'une chatte et d'un singe, grotesquement affublés, qui se faisaient la cour. Malgré la monotonie du sujet, le soi-disant inventeur avait déployé un certain talent, car ces personnages ressemblaient à des chats et à des singes aussi bien qu'à des femmes et à des hommes. Néanmoins, j'avoue que la ressemblance ne m'amusa pas. Ces imitations réussies avaient quelque chose de cynique. L'artiste qui les tenait entre le pouce et l'index, les caressant du regard, me fit l'effet d'un sapajou un peu plus intelligent que la généralité des quadrumanes. La politesse, cependant, m'arracha un sourire plus ou moins approbateur qui me valut un nouveau discours. « C'est la nature prise sur le fait !» s'écria le statuaire. « J'ai chez moi une petite ménagerie de singes qui me servent de modèle. Quant aux chats, il suffit de regarder sur les toits voisins. Depuis que j'ai commencé à étudier ces petites bêtes, j'ai fait des observations qui ne manquent pas de profondeur. Un esprit aussi supérieur que le vôtre, s'ignore, reconnaîtra qu'il y a une portée philosophique dans mes créations. » Tout en empochant la carte que l'on me présentait, je regardais la Madone de l'avenir, me demandant si elle était capable d'établir un contraste. Elle prit un des groupes et se mit à l'épousseter tendrement avec un plumeau. Ce que je venais de voir et d'entendre avait tellement augmenté la pitié que m'inspirait le pauvre Théobald que je m'empressais de m'éloigner. Je me dirigeais sans retard vers la demeure que m'avait indiquée cette femme bizarre et qui se trouvait à l'autre bout de la ville. La maison avait un aspect sombre et misérable. Une vieille que je rencontrais sous la porte d'entrée et à qui je m'adressais marmotta une espèce de bénédiction et poussa comme un soupir de soulagement. Elle craignait que le pauvre artiste n'eût pas un seul ami au monde. Le logement de Théobald semblait ne se composer que d'une seule pièce située au dernier étage. Ayant frappé sans obtenir de réponse, je crus, bien que la clé fût sur la porte, qu'il était sorti et je n'hésitais pas à entrer. Aussi fus-je péniblement ému de le trouver là, pâle et immobile, assis près de l'unique fenêtre en face d'un chevalet qui soutenait une grande toile. Lorsque j'ouvris la porte, il tourna vers moi un regard atone, sans changer de position. Son attitude annonçait une prostration absolue. Les mains sur les genoux, les jambes étendues, il se tenait la tête penchée sur la poitrine. Ses cheveux en désordre, ses yeux éteints, son visage non rasé, joint à sa pâleur, lui donnait un air hagard. Quand je m'avançai, il ne parut pas me reconnaître. Je m'étais attendu à d'amers reproches, je les redoutais presque, et maintenant je regrettais de voir que ma présence n'excitait aucune colère. « Ne me reconnaissez-vous pas ? » lui demandai-je en tendant la main. « M'avez-vous déjà oublié ?» Il ne répondit rien, et ne bougea pas, tout en me contemplant d'un air surpris, tandis que je regardais autour de moi. Ce que je voyais racontait avec éloquence l'histoire d'une longue misère. La chambre, sale et nue, était à la fois une chambre à coucher et un atelier, ou plutôt un semblant de chambre à coucher et d'atelier. En fait de mobilier, elle ne contenait qu'un lit de sangle, une table vermoulue et deux chaises dégradées. Les objets de luxe étaient représentés par quelques reproductions en plâtre couvertes de poussière, quelques gravures jaunies clouées au mur, trois ou quatre vieilles toiles retournées, une boîte à couleurs en assez bon état et le chevalet dressé près de la fenêtre. L'endroit suintait la pauvreté. S'il y avait là un trésor, ce ne pouvait être que le tableau posé sur le chevalet, la Madone de l'avenir. Comme le châssis faisait face à la porte, il m'était impossible d'apercevoir la peinture. Enfin, un peu effrayé par l'immobilité de Théobald, je passai derrière lui en lui posant amicalement la main sur l'épaule. Je n'oserais dire que je fus pas trop étonné de ce que je vis alors. Une toile complètement vide, dont l'enduit avait été jauni et fendillé par le temps. C'était là l'œuvre qui devait rendre son nom immortel. Bien que je ne fusse qu'à moitié surpris, j'avoue que je me sentis très ému. Pendant plusieurs minutes, je n'eus pas le courage de prononcer une parole. À la longue, mon voisinage silencieux parut tirer mon hôte de sa torpeur. Il tressaillit, se retourna, puis se leva et me regarda avec des yeux qui retrouvèrent lentement leur ancien éclat. Je murmurai quelques phrases bienveillantes à propos de sa santé, qui exigeait des soins et sur laquelle mon amitié me donnait le droit de veiller. Au lieu de m'écouter, il semblait absorbé par l'effort qu'il faisait pour se rappeler ce qui s'était passé entre nous. « Vous avez raison, » dit-il après un moment de silence et avec un sourire pénible à voir. « J'ai lambiné. J'ai gaspillé ma force. Je ne suis plus bon à rien. Vous m'avez ouvert les yeux et quoique la vérité soit amère, je ne vous en veux pas. Amen. Depuis l'autre soir, je suis resté en face de la vérité, du passé, de ma misère et de ma nullité. C'est fini. Je ne toucherai plus à un pinceau. Je ne me rappelle pas si j'ai mangé ou dormi. Regardez cette toile. Cela promet, n'est-ce pas? Pourtant, il y a là plus d'un chef-d'œuvre, poursuivit-il en se frappant le front avec énergie. Si je pouvais faire passer mes visions dans quelques cerveaux doués d'une force pratique. J'ai dressé mon inventaire, et je suis arrivé à me convaincre que j'ai en moi les matériaux de 20 chefs-d'œuvre. Mais ma main est paralysée, et personne ne les peindra. J'ai attendu, ne me trouvant pas encore digne de commencer, si bien qu'à force de me préparer au travail, j'ai dépensé toute ma vigueur. Tandis que je rêvais à mes créations, elles s'évanouissaient. Je me suis trop méfié de moi. Michel-Ange a eu plus d'audace quand il s'est mis à l'œuvre dans la chapelle de San Lorenzo. Il a essayé de son mieux, à tout hasard, et son premier essai est immortel. Voilà le mien. » Et il désigna la toile vide avec un geste plein de désespoir. « Il faut croire que la Providence nous a assigné un rôle à part, à nous autres incapables, qui ne savons ni agir ni oser. Nous nous rattrapons en paroles, en rêveries, en promesses, en projets. Mais vous saurez, » s'écria-t-il en hochant la tête avec orgueil, « que nos visions ont une beauté qui leur est propre, et qu'un homme n'a pas vécu en vain lorsqu'il a vu les choses que j'ai vues. Naturellement, vous n'y croirez pas, puisque je n'ai d'autre preuve à offrir que ce canevas jauni. Mais pour me permettre d'émerveiller le monde, il ne me manque que la main de Raphaël. Son génie, je l'ai. Quel dommage, direz-vous, que je n'ai pas sa modestie. Ah, laissez-moi discourir. C'est la seule consolation qui me reste. Je suis la moitié d'un génie. Où donc se trouve mon autre moitié? Logée peut-être dans l'âme d'un copiste servile ou dans les doigts d'un habile ouvrier qui fabrique à la douzaine ses pastiches vulgaires? Que ne suis-je contenté d'être habile et médiocre? Si j'avais pu m'y résoudre, j'aurais trouvé des admirateurs. Je ne savais que dire au pauvre peintre. Je compris seulement qu'il importait de la tirer hors de cette chambre à laquelle on ne pouvait sans ironie donner le nom d'atelier. Je n'ose dire que je le décidai à sortir avec moi. Il se laissa tout simplement emmener. Dès les premiers pas que nous fîmes en plein air, je vis combien il était devenu faible. En dépit de mes instances, il refusa de prendre autre chose qu'un verre de madère. Il parut ensuite se ranimer et murmura qu'il voudrait revoir le musée Pitti. Je n'oublierai jamais notre triste promenade à travers ces riches galeries, où chaque tableau paraissait briller d'un éclat nouveau et lancer un défi. Les portraits avaient l'air d'adresser un sourire plein d'un ineffable dédain aux prétendants découragés qui avaient songé à lutter avec les triomphateurs. La Madone à la chaise elle-même ne s'apitoya pas. Un reflet de la sinistre ironie des femmes de Leonardo semblait tomber sur elle. Nous n'échangeâmes guère une parole. C'était le silence des adieux pénibles. À la façon dont Théobald s'appuyait sur mon bras et traînait la jambe, j'eus le pressentiment que cette visite serait sa dernière. En quittant le palais Pitti, il était si épuisé qu'au lieu de l'emmener dîner à mon hôtel, je le reconduisis chez lui en voiture. Durant le trajet, il tomba dans une sorte de léthargie. Les yeux fermés, pâle comme la mort, il s'affaissa dans son coin. Il ne dormait pourtant pas, car sa faible respiration était parfois entrecoupée par un gémissement étouffé ou un effort qu'il faisait pour parler. Aidé par la vieille que j'avais vue le matin, je parvins à l'amener jusqu'à son logis où nous le déposâmes sur son misérable grabat. « Ne le quittez pas, » dis-je alors à la vieille, « je cours chercher un médecin. » Tandis que je m'éloignais, elle me suivit jusque sur le palier et marmotta. « Cher Dénium, est-ce qu'il va mourir? J'espère bien que non. Son état n'a rien de très alarmant, autant que j'en puis juger. Il est très faible, voilà tout. Cela ne m'étonne pas. Je crois qu'il ne s'est pas couché depuis 4 jours et il n'a guère mangé. » Chaque matin, je le retrouvais assis devant sa grande toile à laquelle il avait l'air de dire des prières. Que lui est-il donc arrivé? A-t-il appris quelque chose sur le compte de la Séraphina? Ajouta-t-elle avec un affreux sourire qui montra des gencives dégarnies de dents. Ne le quittez pas avant mon retour, répondis-je, et prouvez qu'il existe au moins une vieille femme sur laquelle on puisse compter. Mon retour fut retardé par l'absence du médecin anglais que je voulais consulter. Il me fallut courir après lui de maison en maison chez une dizaine de ses clients. Je l'amenai enfin au chevet de Théobald. Le malade dormait d'un sommeil agité. Le docteur lui tâta le pouls, griffonna une ordonnance et partit en hochant la tête. « Je reviendrai tantôt, » dit-il. « Je crains une fièvre cérébrale, mais il se peut que je me trompe. » Le soir, il m'annonça qu'il ne s'était pas trompé. À dater de ce moment, je ne quittais guère Théobald. Sa maladie, si elle fut pénible à voir, fut heureusement fort courte. Il délira jusqu'à sa dernière heure. Les étranges paroles de regret, d'aspiration, d'extase ou de terreur que lui inspiraient les tableaux qu'il croyait voir, ont laissé dans mon esprit une impression durable. Cela ressemblait à une page arrachée à quelque tragédie antique. 8 jours plus tard, on l'enterrait dans le petit cimetière protestant qui se trouve sur la route de Fiesole. Malgré l'isolement volontaire où le défunt avait vécu pendant de longues années, une demi-douzaine de ses compatriotes suivirent le convoi, entre autres Madame Coventry, que je rencontrai après la cérémonie. « Eh bien, me demanda-t-elle, la fameuse Madone, l'avez-vous vue ?»« Je l'ai vue, répliquai-je, elle est à moi, il me l'a léguée. » Et je m'éloignai avec une brusquerie qui, je l'avoue, manquait d'urbanité. J'avais hâte de quitter Florence. L'ombre du pauvre Théobald semblait planer sur la ville et l'assombrir. Mes malles étaient déjà faites, et je comptais partir le soir même. En attendant, afin de dissiper ma tristesse, je me mis à me promener à travers les rues. Le hasard me conduisit devant San Lorenzo. Me rappelant une phrase de Théobald à propos du premier essai de Michel-Ange, j'entrai dans l'église et je me trouvai tout à coup en face d'une femme qui se levait après avoir terminé sa prière. Le châle noir qui formait autour de sa tête une draperie pittoresque encadrait le visage de la Madone de l'avenir. Elle s'arrêta en me reconnaissant. Ses yeux brillaient. Son ample poitrine se soulevait d'une façon qui présageait des reproches. Mon air attristé apaisa sans doute son ressentiment, car elle m'adressa la parole d'un ton dont une sorte de résignation maussade tempérait l'amertume. « Je sens que c'est vous qui nous avez séparés, » me dit-elle. « Pourquoi vous a-t-il jamais conduit chez moi ? Il est clair que vous ne pouviez me regarder avec les mêmes yeux que lui. Je viens de demander une neuvaine pour le repos de son âme, et je puis vous affirmer, signor, que je ne l'ai pas trompé. C'est lui-même qui s'est imaginé que je ne devais vivre que de belles phrases. Après tout, cela le rendait heureux. » « A-t-il beaucoup souffert ? » ajouta-t-elle d'une voix plus douce après un moment de silence. « Oui, il a beaucoup souffert, mais ses souffrances n'ont pas duré longtemps. » « Et a-t-il parlé de moi ?» Elle avait hésité un moment et baissé les yeux. Elle releva en m'adressant cette question. Son regard, si calme d'ordinaire, brilla d'un éclat passager qui ranima et illumina sa beauté. Pauvre Théobald. Quelque nom qu'il donna à sa passion platonique, c'était ses yeux-là qui l'avaient captivé. « Soyez satisfaite, madame, » répondis-je gravement, « il a parlé de vous. » Elle baissa de nouveau les yeux, poussa un profond soupir et s'éloigna. En traversant une rue étroite pour regagner mon hôtel, je remarquai au-dessus d'une porte une enseigne qu'il me sembla avoir déjà vue, bien que je n'eusse jamais pris ce chemin. Je me rappelai soudain qu'une carte que j'avais jetée dans le ruisseau portait la même inscription. Sur le seuil de la boutique se tenait l'habile artiste qui savait si bien vanter ses produits. Une pipe à la bouche, il polissait avec un chiffon une de ses inimitables combinaisons. Le bruit de mon pas attira son attention. Il me reconnut, ôta sa calotte rouge, me fit un salut obséquieux et m'invita du geste à entrer dans sa boutique ou dans ce qu'il appelait son atelier. Je lui rendis son salut sans m'arrêter. J'ai plus d'une fois regretté cette rencontre, lorsqu'au milieu des ruines de l'ancienne Rome, le souvenir des singulières illusions et du triste avortement de Théobald se réveillait en moi. Il me semblait entendre une voix déplaisante murmurer à mon oreille. Chats et singes, singes et chats, toute la nature humaine est là. Ainsi s'achève La Madone de l'avenir par Henry James.